soin. Tout le monde qui est qu'est sensible. En vérité, ma point soin. Tout le monde qui est charité. C'est pas monde qui est dur. Monde qui pas vrai partager. C'est pas monde qui a critiqué. Monde qui hypocrite. En vérité, ma point soin. Tout monde qui gagne créatif yo. En vérité, ma point soin. Tout monde qui gen l'amour nan kayo. C'est pas moun kap touye l'autre. Moun kap fè méchanceté. C'est pas moun kap fè abus. Moun ki rayi sa ba. Tout moun ki fè volonté pap. Yo. Tout le monde qui a goûté pour marcher droit. Tout le monde qui a une bonne idée dans la tête. Mais le monde qui a fait mon mal, il m'a dit. Tout le monde qui a mené une vie sans reproche. Visiter mon malade yo. Tout le monde qui visitait prisonnier yo. Mais mon cap jugé trahison mille. Prends soin. Parole céleste. Amen.